Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une comédie américaine avec une petite française. Fraîchement installé dans une banlieue chic de Californie, Jeff est aussitôt contrarié par le comportement de ses nouveaux voisins. La fringante Christine et son ex-fiancé Jonathan qui se sont mis en tête de le déloger de son appartement pour agrandir leur duplex. Alors qu'elle lui mène la vie dure, Jeff accepte de quitter l'immeuble si Christine l'accompagne au mariage de son ex-femme en prétendant être sa fiancée. Cette femme réussit tout dans sa vie. Vous réussissez ce coup-là, vous devenez actionnaire. C'est gentil. Ce contrat va payer notre mariage et le voyage de noces. Tout, sauf à se débarrasser de son voisin. J'habitais dans cet immeuble bien avant que vous ne veniez dans ce pays. C'est chez moi ici. En attendant, moi j'y suis. C'est ce qu'on va voir. Ouais, on va voir. Cet homme est un monstre abject, stupide, paranoïaque, cruel et vindicatif. D'abord, il a gâché mon dîner. Oh ah. Et après, il a enflammé mon jardin. Ah, brûle, brûle. Ce type me gâche la vie. Je suis venu pour m'excuser à propos d'hier soir. Vous voulez vraiment me faire un cadeau? Alors barrez-vous. Je dois aller à un mariage. Si vous consentez à m'accompagner et à jouer ma fiancée, je déménage. Vous avez bu ? Ma voisine du dessous, une comédie dédiée aux Fertis avec Michel Larocque et Matthew Modine. Un DVD 7/7.